C'est Alastair Sim du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM avec vous jusque 22h Scream. Aujourd'hui, ben, on va la jouer en solo. Ben oui, Sylval, ben, repose-toi bien. Et le slasher, ben, il n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là la semaine prochaine. Alors déjà, on tient à s'excuser. Je tiens à m'excuser pour la semaine dernière. Ben voilà, les obligations paternelles, hein, les rendez-vous collège, ben que voulez-vous, on ne peut pas y échapper. Le slasher est toujours au collège. Voilà, je vous fais un petit coucou. Je sais qu'on vous a manqué. Et vous aussi, vous nous avez manqué, les loulous. Alors aujourd'hui, ben, beaucoup de nouveautés. On va essayer de reprendre un peu le train en marche, le train en retard. Mais ça va être vraiment impossible car on est vraiment inondé, de nouveautés. Comme d'habitude, le générique, ben, hit, hein, fatalement, Downtown, l'indicatif de l'émission Rive d'Enfer, dont maintenant vous avez l'habitude de reconnaître et d'apprécier. Voilà, on va démarrer tout de suite avec Decatur. L'album s'appelle Bladder Town de Brooklyn. Et on va s'écouter Into the Night. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ici, c'est sur Rive d'Enfer. pas mal du tout pour commencer. Hein. Décature avec Into the Night. L'album s'appelle Bladder, The Runner. Franchement, il est génial cet album. Je vous le conseille, les petits amis. Alors, le prochain, l'album s'appelle Le Cosmic Man. Le titre, c'est Running Away for the Circus. Et le groupe s'appelle tout simplement Ewinkiek. Oui, je sais, j'en peux rien. Des fois, je dis des choses comme ça. Mais bon, que voulez-vous? C'est les noms des groupes. Hein, et c'est parti! We'll be right back. Et oui, Gek, c'est le groupe et le titre qu'on vient de s'écouter, c'est Running Away from the Circus. L'album s'appelle Cosmic Man. Le prochain, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, avec vous jusque 22h Scream pour l'émission Riff d'Enfer. Surtout, ne changez rien du tout à votre programme du bon métal jusque 22h. Et vous retrouverez bien entendu la balade crapuleuse, la slasher song et bien entendu tout ce que vous aimez en métal. On passera aussi bien du blague, du FM, un peu de tout comme on fait d'habitude. Et c'est ce que vous aimez, vous nous le dites et vous le marquez et ça nous fait super plaisir. Car on n'entend pas toutes sortes de choses, c'est un peu éclectique et c'est très bien ainsi. Alors le prochain, l'album va arriver, il s'appelle Claiming Supremacy. Le groupe s'appelle Game Over, mais vous n'êtes pas Game Over, on n'est pas Game Over, on est très très loin d'être Game Over. Et on va s'écouter Two Step in the Shadows, c'est tout de suite, c'est sur RQC 95 FM, et tout de suite après, on écoutera la Slasher Song. Goodbye! pas mal du tout quand même, hein, le nouveau Game Over avec Two Step in the Shadows. Alors, il est l'heure de passer à la Slasher Song et aujourd'hui, ben, il a décidé de nous passer tout simplement Anthrax, mais avec leur reprise de Antisocial. Cet extrait de l'album State of Euphoria qui était sorti à l'époque en 1988. Et ben voilà, la Slasher Song arrive tout de suite. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. We'll be right back. c'était la Slasher Song avec Anthrax, Antisocial, Antisocial, reprise de Trust, bien entendu, Trust qui sera bientôt chez nous en concert, les amis. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Molly Byron. L'album, ça s'appelle du même titre, Molly Byron, donc c'est le groupe. Et on va s'écouter le titre Sleep, Leave This Place. C'est pas mal du tout. C'est un petit coup de cœur à moi aussi. Pas mal du tout, hein, je vous l'avais dit, hein, c'est Millie B. Room avec le titre Sleep, Leave, This Place. C'est un peu plus prog comme ça, mais bon, on aime bien aussi un petit peu le prog dans Rive d'Enfer. J'en profite pour faire un petit coucou à Agnès, à Sylval qui nous écoute, au Slasher, à JP, à Amélie, à tous les potos qui nous écoutent. Ça nous fait chaud au cœur, les amis. Voilà, et d'être branché, d'être au rendez-vous tous les lundis. Je sais, on a même reçu des messages. Il n'y avait pas émission lundi dernier. Ben, non, comme je vous ai dit, malheureusement. Que voulez-vous, les aléas de la vie. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, tout simplement, c'est Insurrection avec Onward to Extinction. Et on va s'écouter, l'album s'appelle tout simplement Instruction. Voilà, c'est parti, et c'est ici, c'est sur Rive d'Enfer, voilà, c'est là. Voilà, donc retenez bien Insurrection avec Onward to Extension. Je vous imagine bien comme ça dans votre salon ou peut-être à table, si vous êtes à table, bah, bon appétit, en train de faire du humbanging. Ben, si vous mangez par exemple des pâtes bolo, faites attention, ça tâche quand même les amis, avec, je vous imagine en train d'aspirer des spaghettis, en train de faire du humbanging, ça doit être vraiment folklorique quand même. Bon appétit les loulous. Le prochain c'est Ark avec Fortune Favor The Insem. L'album s'appelle tout simplement Machine Asian. Avec Fortune Favor the Same. On va un petit peu passer un petit peu du côté du bluesy hard rock, parce que toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. N'ayez pas peur, je vous arrête tout de suite. Je vais pas vous passer du hack coucou, non. Quoique, il a toujours eu des bons musiques, quoi, ça, ce mec, Johnny. Il a quand même fait aussi quelques bonnes chansons, faut reconnaître, enfin. On lui a écrit quelques bonnes chansons, notamment aussi Bon Jovi, John Bon Jovi. Si vous ne saviez pas, maintenant vous le savez, qu'à l'époque de l'album New Jersey, il avait écrit des chansons pour Monsieur Hallyday, sous un autre patronyme, bien entendu. Alors, là, il vient d'arriver, il est tout frais, il est tout chaud. Je remercie Tonton Rougi, merci. Le nouveau Black Stone Cherish. Et là, on va s'écouter. Donc, l'album s'appelle Black to Blue, et on va s'écouter Brilled from the Comfort. Franchement, c'est super bon, les amis. Vous allez apprécier comme nous l'avons apprécié. Alors les loulous, c'est-il pas bon ça pour nos oreilles quand même hein. C'était les Blackstone Cherish avec Bill From Comfort. L'album s'appelle Black to Blue. Ça veut tout dire, hein. C'est du hard rock mélangé avec du blues. Et on reconnaît encore les racines. On sait bien que tout ce qui est hard rock ou quoi, ben, les racines sont là. Elles viennent du blues. Hein. Le prochain, Across the Atlantic, avec le titre Playing for Keep. L'album s'appelle Rock Progress. Across the Atlantic avec Playing From Help. Franchement, bien. Ça me fait un peu penser aussi quand on voyait des films pour ados, le rock comme ça qu'on voit hein, dans ces films. C'est exactement ça. Resist the Ocean Long Road Home, c'est le titre. Le groupe, bien entendu, je viens de vous le dire, Resist the Ocean. L'album s'appelle Hearts of the Oak. C'est tout de suite, c'est là. We'll be right back. Voilà, juste un instant, c'est Resist the Ocean avec Lone Road Home. Franchement, pas mal du tout. Hein. Le prochain, c'est ça aussi un de mes coups de cœur, The Unguided avec Legendary. Petite surprise quand même, The Unguided avec Legendary, l'album va arriver incessamment sous peu, on l'attend avec impatience ici dans Rive d'Enfer, vous êtes bien branchés sur RQC, 95 FM avec vous jusqu'à 22h, Scream pour l'émission, donc on fait un petit coucou à Val, Sylval qui nous écoute sûrement, voilà, repose-toi bien, et au Slasher qui nous écoute aussi et qui dit, ben voilà, bonne émission comme d'habitude, et bien entendu à vous aussi. Qui nous écoutait un peu partout à travers la planète, sur la bande FM aussi, et aussi sur la planète grâce à au net. Merci à vous, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous, donc jusque 22h. Scream. Le prochain, c'est Vulture Industry, Something Vile, c'est tout de suite, c'est maintenant, et ça, c'est sur le label Season of Mist. Voilà, juste à l'instant, Vulture Industry, Something Vile. Il est l'heure, il est exactement pratiquement, il est 21h tout juste aujourd'hui, et il est l'heure de vous passer la balade crapuleuse. Et aujourd'hui, on a choisi de vous passer Kingdom Come avec 24 Hours, un album qui était sorti à l'époque en 2009. Donc voici la balade crapuleuse, Kingdom Come, 24 Hours. Oh Mindy. Oh John. Ce slow est pour toi. Ce titre. Oui. C'est la balade. La balade crapuleuse. I'm hating the days. I'm living without you. They feel like a waste. Nothing I can do. The essence of life, to share it together. The dream of all times, happy forever. It's never enough to know you'll be back. The moment you're gone, I'm losing track. The side effects we're learning to take, like hammer of gods, determine our fate. You took me by surprise. Voilà, 24 Hours, c'est Kingdom Come, c'était la balade crapuleuse d'aujourd'hui. Et franchement, ça fait du bien. On aime bien des balades comme ça, ici, dans Riff d'Enfer. Je fais un petit coucou au Liégeois qui nous écoute aussi. Voilà, un petit coucou à nos amis de Liège. Alors, un vieux groupe nous revient avec un nouvel album. Le nouvel album s'appelle True the World on the Stardust. Il s'agit bien du groupe Still Hurts, un album vraiment monstrueux. Avec là, on va s'écouter My Dirty Girl. C'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant. Take off your silk. Voilà des vieux de la vieille qui nous reviennent quand même. Still Hurts avec My Dirty Girl. Vous êtes bien branchés sur le 95FM RQC. Riff d'enfer pour vous jusque 22h. Scream pour vous servir les amis. Manson si vous voulez. Manson si vous voulez. Avec Burn, c'est tout de suite, c'est maintenant. L'album s'appelle In Previous. C'est nouveau, c'est tout frais. Voilà, c'est pas mal, Manson avec Burn. Le prochain, c'est Fight the Fight, Anita Dance. Yeah! Voilà, Fight the Fight avec An Italance, Binary Creed, l'album s'appelle A Battle Won. Et c'est encore une nouveauté, on va s'écouter Lurking in the Shadows. C'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Binary Creed avec Lurking in the Shadows, une petite tuerie quand même. Hein. Grave Pleasure, l'album s'appelle Motor Blood, Doomsday Rainbow, c'est le titre, c'est ça, c'est tout de suite. Ah. Grave Pleasure Doomsday Rainbow, c'était ce qu'on s'écoutait juste à l'instant. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Luciferian Light Orchestra. Le titre, Sampan Messiah. L'album s'appelle simplement Black. Ça donne ça. Oh, très très très spécial quand même, hein. Luciferian Light Orchestra avec Serpent Messiah. Petite nouveauté aussi, c'est là, c'est tout de suite, c'est Ram avec One Wing of No Return. L'album s'appelle tout simplement Road. Voilà, Ram avec On Wing of No Return. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est cet album qui s'appelle tout simplement Dreamcatcher. Ça me fait penser aussi à un titre de Stephen King en même temps. Voilà, c'est, l'album s'appelle Blood of the Snow, du sang sur la neige. Et on va s'écouter le titre No Heaven, No Hell sur RQC 95 FM avec vous jusque encore une petite 25 minutes Scream pour l'émission Riff d'Enfer. Dreamcatcher, No Heaven, No Hell, extrait de l'album Blood on the Snow. Le prochain, c'est Wellfall. L'album s'appelle The Atrocity Report. Nothing But One, c'est le titre de la chanson qu'on va s'écouter. I come from the world to risk. Well Fall, Nothing But Warm, l'album s'appelle The Atrocity Report, c'est vraiment pas mal du tout. A Devil's Dim, c'est le nom du groupe, l'album s'appelle One Hallucination Under God, et le titre c'est Brave New World. Il n'y a que dans Rive d'Enfer qu'on peut passer comme ça au chant groll, au chant, enfin au flower power. Hein. Et ben, c'est que dans Rive d'Enfer, et c'est ça aussi qui fait la force de Rive d'Enfer. Devil Dins avec Brave New World, c'est le titre qu'on vient de s'écouter juste à l'instant avec One Hallucination Under God. Amnesty, Without Your Landmarks, c'est tout de suite, c'est là. Thank you. Nasty Without You Landmark. L'avant-dernier titre, c'est Ace Trail avec The Forest of the Man. L'album s'appelle Beware the Rat King. Sounds with danger to no rats. With every arrogance to despise everything. Why? Why? Do you wanna be? Do you wanna be? What a beast, man. Man. I thought you were far away from them. Why? Why? Do you wanna be? Do you wanna be? What a beast, man. Man. I don't belong to them. Voilà, donc c'était l'avant-dernier titre Eyes Thrill avec The Forest of Men, avec le titre Beware the Rat King. Il est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Rive d'Enfer avec le Slasher et Sylval et le Slasher et moi-même pour une nouvelle émission. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés à travers la planète avec le net, bien entendu sur la bande FM aussi. Si vous recherchez des titres, tout simplement, bah, vous retrouvez sur la page Rive d'Enfer Facebook ou sur la page RQC les playlists. Voilà, on se quitte avec The Great Russian Empire avec le titre The End That Brained the Roadkill to the Side. Ciao ciao, à la semaine prochaine les loulous.